quelques mots pour dire que le monde est pourri. On vit, on meurt dans le ghetto et c'est rare qu'on sourit. On crie, on pleure dès le préau à la pâle poireau qui. On se lance dans le pisse de la gueule, ouais, rêve de Cherokee. Mais moi, je suis comme un indien, alors écoute bien. Fils de tapin, de plein pro, chez nous y'en a plein. Enfin, on lutte, on milite, mais trop de putes nous parasitent. Ray fait péter le zit, t'es le zit. Que je plane comme un condor, dès 6h du mat, ça sent la patate, donc c'est rare que je dors. J'ai le gaffard comme un clochard à moins 10 dehors. Et si tu te miniques, c'est à 10 qu'on te nique, et alors est-ce normal de traîner dans les rues sales? Nos vies sont brutales, obligés de se comporter comme des crocodiles. Ça fait mal de savoir que son frère est en tôle. J'ai rien à voir avec De Gaulle, moi j'ai une putain de vraie gaule. Sale rôle pour leur politique, j'ai la trique comme le 6-9. Écoute mon ref, ils sont trop pathétiques. Authentique, on s'efforce de l'être. Moi j'suis comme ce corse qui dynamite la mer.